J'suis pas un lover, alors toutes les meufs se mettent loin de moi. J'suis pas un chanteur, j'ai fait un rêve où tous les keufs se mettent un doigt. J'suis fils de bandit, mon papa à moi est un gangster. Si on respecte les anciens, à 22 ans j'veux être un ancêtre. J'ai pas la taille prévue pour dunker, alors j'grimpe sur les tasses. J'me demande si j'suis bon, qu'à détails, qu'à détails. À la une, y'a que la thune et la thune. J'vois que la lune est dans mon tunnel. La tumeur, la fille nous tue. Une erreur d'une autre tumeur, c'est les bails, l'argent. Bienvenue au Moyen-Âge, sex, money, action. Tu tailles et tout le monde t'aime comme Michael Jackson. J'm'appelle ni Jason ni Brian Guy. Transformé en Super Saiyan, Cersei Sai, les Kai, les Briars, ravitaille. J'suis opérationnel, j'écris ce que j'aime et puis fuck toi. On verra le soleil, mais fou, on espère le voir un certain soir. J'suis un tigre, j'y ferai jamais comme un mouton. Quitte à prendre 20 piges, parce qu'il y a ceux qui taffent le steak et ceux qui se grattent leurs boutons. On est trop, on est chaud, on est dans le ghetto. On est tous à se tape pour la monnaie. Dans le rétro, les condés, c'en est trop, isolés, isolés. Rien d'un lover, j'encule toutes les poucas à la volée. On est trop, on est chaud, on est dans le ghetto. On est tous à se tape pour la monnaie. Dans le rétro, les condés, c'en est trop, isolés, isolés. Rien d'un lover, j'encule toutes les poucas à la volée. J'encule toutes les balances, comment vivre en sachant que t'en es une. J'respecte tous les parents, la pression qu'on mâchait sur Neptune. J'suis la preuve vivante qu'on peut être page dans le son. C'est ce qui me rend surpuissant, je rêve pas de faire de la chanson. J'ai rêvé de mettre les pauvres à l'abri, c'était un rêve de gosse. Désolé mon dieu, mais je rêve plus que les poches pleines de drogue. Venez prendre votre dose, je veux voir les billets roses. Voilà le but de mon rôle, et je sais que je vais en chier de douleur. Tu peux te faire péter par un voleur toutes tes économies. Fais attention, si on sait que t'as un trésor, on vient chez toi avec la colonie. Foulec à la Vegeta, à la Marklanders. J'ai toujours coupé les sacs très sales à la Highlander. Pas ici, lâcher le shit, allez-y, j'laque. Lâcher. Les dollars venaient acheter, apprécier la zep, la frais. Maléfique près de la haine, pas de bêtises, t'empêche la peste. Allez dire que je rappe que t'es saletés, à tes mots sans parler yeux coups. On est trop, on est chaud, on est dans le ghetto. On est tous à se tape pour la monnaie. Dans le rétro, les condés, c'en est trop, isolés, isolés. Rien d'un lover, j'encule toutes les poucas à la volée. On est trop, on est chaud, on est dans le ghetto. On est tous à se tape pour la monnaie. Dans le rétro, les condé, c'en est trop, isolé, isolé. Rien d'un lover, j'encule toutes les poucas à la volée. J'ai rien d'un lover, compare ma un lance-roquette. Ok, les pétasses qui mêlent, je les prends en brochette. Tu n'écoutes pas ce que je dis, des fois je pars en sucette. Je peux écrire avec une go entre les jambes, ça me pose pas de problème. Le rap, je m'en tape, à part s'il y a de l'oseille. Ça me fait pas grailler, c'est le stup qui a payé mon premier projet. Sans des halls, un putain de paille, et les mecs sont dopés. Chopé, gravé, je m'en bats les couilles, je peux même les donner. Faudrait qu'on s'en sorte avec la mif, les refrais. Mes putains fleurissent, des proches, c'est prêt comme si je la frôlais. Oh les mains, on entend ça sans être étonné. On se dit bonjour tout en sachant que n'importe qui peut se faire lever. Choqué, un mot qui nous fait bien tout. Ricoler. On en a vu maintenant, on veut juste rouler en cabriolet. Ricocher entre la tête, les keufs et les halls. C'est tard, prêt à tout nécro, on a les crocs. On est trop, on est chaud, on est dans le ghetto. On est tous à se tape pour la monnaie. Dans le rétro, les condés, c'en est trop, isolés, isolés. Rien d'un lover, j'encule toutes les poucas à la volée. On est trop, on est chaud, on est dans le ghetto. On est tous à se tape pour la monnaie. Dans le rétro, les condés, c'en est trop, isolés, isolés. Rien d'un lover, j'encule toutes les poucas à la volée.